Bon matin tout le monde, on est un peu tous secoués ce matin d'apprendre le décès de notre collaborateur Joe Hardy à l'âge de 75 ans. C'est un décès subi hier soir. Et évidemment, pour lui rendre hommage, on a décidé de remettre en ligne sa dernière chronique sur les ondes de danradiosport.com, celle du 27 janvier. Donc, bonne écoute pour les gens et merci Joe pour ta collaboration pendant plusieurs années. On va parler de hockey. Je voulais lui parler s'il avait réservé sa chaise pour la défilée de la Coupe Stanley au mois de juillet. On va parler avec un gars qui nécessairement, pas nécessairement pour le Canadien, mais qui en tout cas qui a un œil plus critique que les autres journalistes à Montréal, Joe Hardy. Salut Joe. Hey, salut, jeune homme, comment Ça vas-tu? va bien, Joe. Écoute, d'abord, comment tu vis le COVID? Parce que moi, je vais te dire, je sais que toi, t'es une gang de chums, t'aimes ça t'entraîner, tu m'en as parlé souvent dans des chroniques, que vous étiez une gang de chums au gym, mais là, le gym il est fermé depuis le mois d'octobre. Le C'est moral, comment il se fini, trouve? Puis t'aimes ça être en forme, toi? là. Je trouve ça difficile, mais en même temps, ben écoute, je pense, je sais pas, je te l'avais dit, j'ai eu un gros accident de vélo en fin de saison. Oui. Mais là, j'ai recommencé à pédaler sur des rouleaux chez moi. Je m'entraîne 4 fois semaine, 1 heure et demie de la fois, là. Écoute, on vit ça. La COVID, je pense qu'il n'y a pas personne qui a du fun avec ça, là. Non. Mais heureusement, moi, on demeure en campagne, ma femme et moi. Écoute, à l'extérieur de la ville, il y a des grandes chances qu'on pourrait aller. Moi, je peux pas vraiment marcher à cause de mes hanches, là. Ouais. Puis on sait que les hanches, ben, ça dérange pas pour le vélo. Mais tout ça pour dire que, écoute, c'est pas facile, hein? Je regarde, on voit que la pandémie, là, c'est planétaire. Mais nos hommes politiques, les gens qui sont pas privés de leur salaire, moi, je regarde, je suis chanceux, on te lève à Exactement, ça. exactement. C'est des gens qui vivent très bien. La pandémie, ils la vivent pas comme toi puis moi, là. Non, puis si les médias seraient privés de leur salaire, ce serait une autre affaire aussi, là. Oh oui. On va y aller maintenant avec le Canadien. Comment tu trouves ça? On est parlé en dehors des ondes ce matin, on a eu une bonne discussion. On est pas mal d'accord sur certains points, sauf sur Kéké, là. On va en parler plus tard. Moi, écoute, je veux pas faire mon pisse-vinaigre, je veux pas faire mon négatif, mais quand même, c'est. Puis, Canadien, c'est sûr que c'est plus fun, c'est sûr qu'ils ont une meilleure équipe. L'acquisition de Romanov, l'acquisition de Jake Allen, moi je trouve que c'est la grosse acquisition de Jake Allen. Par contre, comment veux-tu évaluer comme il faut ce club-là quand t'affrontes pas Tampa, t'affrontes pas Vegas, t'affrontes pas San Jose, t'affrontes pas Washington, des grosses équipes, là. Tu sais, Ben, c'est-à-dire que c'est difficile d'avoir une bonne évaluation. ce qu'il faut dire, Danny, c'est que t'as pas tort dans ce que tu dis, mais juste ouvrir une parenthèse, puis je vais poursuivre après sur ce que tu me parles. Jake Allen, oui, mais Ah. moi, je vais continuer de dire ce que je dis depuis que je suis dans le hockey. Tu sais, exemple à Montréal, si Price fait pas le job, ils sont morts. C'est pas Jake Allen qui va t'emmener à Coupe Stanley, Non, mais selon par moi, là. contre, il peut te donner une quinzaine de points ce que l'autre l'année Ouais, vient ne ça, faisait pas l'année passée. c'est pas fait encore, là. Ouais. T'sais, fait que c'est ton numéro uno qui te fait gagner. C'est Price, là, Ah, c'est sûr que c'était meilleur il y a joueur. un mauvais, il y a un départ ordinaire, 2 games de 5 buts, mais en même temps, ce que je dis, moi, c'est que ça te prend ton gardien numéro un. T'sais, que ce soit qui ça voudra, faut que tu fasses la job. Ceci dit, un bon deuxième, c'est important. La preuve, moi, je pense que le meilleur duo de la Ligue, c'est Vegas qui l'a avec Lemieux, Leonard puis Fleury. Fleury. Ouais. Fleury a 3 victoires récemment, mais en tout cas. Ça pour dire que oui, c'est un échantillon qui est court, pour dire que, tu sais, là, j'entends des gens, les chaises de Coupe Stanley, là, ceux qui les ont ramassées depuis le nombre de fois qu'on a dit que ça va être vrai, il y en a qui sont rendus à 7-8 chaises, là. Mais moi, ce que je dis, c'est que les Canadiens, cette année, faut être fou pour dire qu'ils ne se sont pas améliorés, là. Tu Non, sais, ils ont emmené des nouveaux joueurs. Mais en même temps, tu as seulement 6 matchs de jouer. Oublions les autres divisions, parce que l'inverse est vrai pour les autres divisions aussi. Ils n'ont pas affronté Toronto, Canadiens, puis Winnipeg, puis blablabla. Moi, j'ai je te dit parle depuis le d'évaluation début. du club. Moi, je te parle de Ouais. l'évaluation du club. C'est dur de dire que c'est la meilleure équipe. Qui est la meilleure équipe? Ah non, non, non. De là à dire que c'est la meilleure équipe de la Ligue, on ne peut pas dire ça au Ah moment où on se non. parle. Non, non, Il y a six games de jouer. Tu regardes les games qu'ils ont joué, 3 fois Vancouver, 2 fois Edmonton, puis une fois Ah, Toronto. La meilleure calmons-nous. équipe, dans ma tête à moi, la meilleure équipe de la division, c'est Toronto. ils les ont joués une fois. Alors là, moi, je te l'ai déjà dit, mon classement, c'est Toronto, Calgary, Montréal, Winnipeg. Vancouver, Edmonton, à moins d'un virement total, sont strike-out. Ceci dit, il va y avoir quatre équipes qui vont aller dans les séries. Hein? Quatre équipes, on le sait d'avance. Puis il va y en avoir quatre qui vont se rendre vers les grands honneurs, parce qu'il y a quatre divisions. Mais à partir du moment que tu dis à matin, tu sais, moi j'ai parlé à des gens, justement, de mes chums à matin, que lui, il est pas anti-canadien, mais c'est un gars qui aime le hockey. Il dit là, on peut pas parler de la Coupe Stanley après six matchs. Là. Allô? Non, mais non, en tout cas, Yves, malgré tout le respect que j'ai pour Yves Racine, qui est l'ancien défenseur du Canadien, tu sais, c'est de qui je parle, là. Lui, j'en ai tombé en bas de ma chaise, il a prédit la Coupe Stanley au Canadien. Non, mais là, tu sais, la prédiction, il a le droit à son opinion. Ah oui, il a le droit à son opinion, oui. Je connais très bien Yves, là, mais si je le vois, je vais lui dire, t'as pris ça où, toi? tout le monde savait ça, là. Comment peut-on... Tu sais, tu vas demander à Bergevin demain matin ou à soir, penses-tu que vous allez gagner la Coupe Stanley? Pas sûr qu'il va répondre oui. Là, s'il dit oui, tu dis que je vais être à ta maison là-dessus. Tu sais, il y a trop d'impondérables. Ça n'a pas rapport avec le tenant de l'équipe. Ça a rapport avec la saison. Tu sais, écoute, tout peut arriver. Tu perds des joueurs. Regarde l'exemple, l'autre soir à Toronto, Matthews était blessé. Il a manqué une game. Tu m'as manqué 15 des games. Ouais. Mais ce que j'allais dire, moi, par contre, ce qu'il faut bien se souvenir, c'est que cette année, avec 56 matchs, moi, je pense que les 20 premiers matchs sont plus importants que les 20 derniers. Pour la raison que je viens de donner. Si pour avoir des blessés, enfin, au début de saison, normalement, c'est les 10-12 premières games. Là, t'es pas sûr d'avoir de blessés ou à peu près pas. Mais fin de saison, ça va être difficile parce que beaucoup de matchs consécutifs. Je pense que c'est 56 matchs en 116 jours qui vont jouer. Alors, les premiers matchs sont importants. Le Canadien est allé chercher. Quelqu'un qui me dit, puis je l'ai entendu à matin aux nouvelles, ils ont gagné des 10 points sur 12 sur la route. Allô? La route n'existe même pas présentement. Non, c'est comme... Il n'y a pas de monde dans les estrades, il n'y a pas d'avantage. Tu sais, l'exemple, tu t'en vas jouer, je ne sais pas moi, à Vancouver, il n'y a pas un chat. Tu t'en vas jouer à Montréal. Le Canadien est avantagé avec le Centre Bell. C'est intimidant de jouer au Centre Bell. Là, ils vont jouer au Centre Bell. Il n'y aura pas un choix dans les estrades. C'est comme une pratique. C'est comme aller faire... Moi, quand j'ai fait l'équipe à Oakland, là, j'étais sur la route. On était à Oshawa, là, mais il n'y a pas un choix dans les estrades. Ouais, c'est pas intimidant, là. Mais une semaine plus tard, on jouait à Sudbury contre Saint-Louis. L'aréna était pleine parce que Saint-Louis avait quelques gars de Sudbury. Oh boy, j'ai fait le son un petit peu quand j'ai embarqué pour la période d'échauffement. Alors, les gars, ils jouent comme dans une pratique, là. Puis moi, je suis obligé de te dire, en ajoutant là-dessus, que personnellement, regarde, là, je suis pas capable de regarder une game au complet, arrangée comme ça, avec des rideaux dans les estrades, pas de monde. Il y a bien des buts, puis je suis pas le seul, parce que je parle à beaucoup de gars des poules de hockey dans lesquelles je participe. Ils scorent des buts, des fois, tu sais même pas qu'ils ont scoré. T'entends un compte, là, tu dis, voyons, on a perdu un rondelle de vue. Tu sais, il y a pas de monde qui crie. Non. Les gens qui décrivent les matchs, à quelques occasions, ils ne sont même pas sur place. Non. Ils ne sont même pas là. Ils sont en studio. Alors, moi, honnêtement, je suis déçu, mais le Canadien, là, oui, il y a un bon début de saison. Puis je réponds à ta question, oui. Et les points qu'ils ont là, ils ne se font pas, ils les enlèveront pas. Hein, ils sont là, des A. Mais, aussi bon soit-il leur départ, ils sont collés avec Toronto puis Winnipeg. Là. Ouais. Ils sont trois équipes qui sont en course actuellement. On oublie le nombre de matchs. Là. Toronto est en avant, ils ont des matchs de plus de jouer, mais les matchs sont gagnés, ils sont en avant. Mais ils sont bien positionnés. Je disais que Théodore a dit qu'ils n'ont aucune faiblesse. Là. Faut pas exagérer. Ben, ils ont là, quand même de bons trios. C'est vrai qu'ils ont des bons trios, ils ont de la profondeur, mais là, c'est parce que... Mais, tu sais, j'ai hâte de voir, tu sais, si... ce qui va arriver. Là, tu veux me parler de Kéké et de Pierre-Luc Dubois. Moi, on n'était pas d'accord là-dessus sur Pierre-Luc Dubois. Moi, je dis que Kéké, à long terme, va devenir un aussi bon joueur que Pierre-Luc Dubois. Par contre, tu avais des arguments qui n'étaient pas bêtes. Là, c'est un Québécois, puis gros joueur de 110 pieds 3, ainsi de suite. Je suis content que tu dises, puis je respecte ton opinion, là, Danny, mais tu dis il va devenir un aussi bon joueur. Tu sais, là, Dubois, je sais même pas s'il va être meilleur ou aussi bon ou pas bon. Moi, ce que je dis dans cette situation-là, puis je vais te dire ce que, en passant, matin, vous vouliez te dire ce que j'ai entendu, c'est Dubois, d'abord, c'est un Montréalais. C'est un gars de la région de Montréal. Il a 22 ans, 6 pieds 3, 215 livres. T'as pas ça à tous les coins de rue. Non. Puis regarde sa fiche depuis qu'il est arrivé. Il est jeune, il a 22 ans. Tu sais, 18 buts, 31 passes. 27 buts, 34 passes. 20 buts, 28 passes. Il a déjà 3 ans dans la ligue. Tu peux pas passer à côté de ça. C'est impossible. Moi, en ce qui me concerne, là, je me trompe peut-être. Puis je suis certain d'une chose, Annie, puis à tes auditeurs, que Bergevin ne dira pas, mais il voulait à tour de bras. Sauf que, c'est sûr que Columbus a appelé Bergevin pour lui dire que l'offre que tu m'as faite, c'est parce que j'en ai une à Winnipeg, il me donne l'aîné. Ben oui, c'est ça. Je m'excuse, là. Mais moi, exemple, Suzuki pour Dubois, moi, je l'aurais pas faite si j'étais Columbus. Un pour un, jamais. Jamais. Mm. C'est pas le même genre de joueur. L'autre, là, c'est un monstre, Dubois, c'est un gros bonhomme. Mm. Je dis pas que Suzuki est pas bon, il est très bon, il fait la job. Tu sais, puis je regardais justement avant que tu m'appelles, là. Il y a 6 points Suzuki. Je pense qu'il en a 5 sur l'attaque à 5. À égalité numérique, il y a juste un point. Alors, moi, ce que j'ai entendu, là, que je veux dire, après qu'on s'est parlé aujourd'hui, là, que le Canadien a offert Kotkaniemi. Je pense que je t'en ai parlé même un matin. Kotkaniemi. Byron puis Goulet. Le Goulet qui est le premier choix du Canadien, là, le dernier repêchage. Alors, c'est ce qu'ils ont offert pour Dubois. Ce qui était une bonne offre, mais. Moi, je pense où ce que ça a accroché, c'est d'après moi, il voulait Suzuki. Il y en a un autre qui disait Caulfield et Kéké. Ah, moi, je pense que le gérant de Columbus n'a même pas répondu. Il a dit, garde, là, quand tu seras sérieux, tu m'appelleras. Tu peux pas magasiner. Non, mais t'as déjà quand même, que ses preuves sont faites. En ayant, d'abord, au départ, moi, je suis surpris que Winnipeg ait laissé aller l'aîné. Mais il ne faut pas oublier que le père à Dubois travaille dans l'organisation à Winnipeg. Ouais. Ce qu'il a fait, moi, j'ai de la misère à critiquer ça, d'avoir fait ce qu'il a fait parce que je te disais, j'ai déjà fait la même chose quand j'étais dans la Ligue mondiale, j'ai quitté l'équipe, j'ai dit vous me changez. C'est pas bon à faire. Mm. Tu sais, ça laisse des traces. Moi, je connais pas le kid Dubois personnellement. Je connais son père parce que quand je coachais junior majeur, oui, il était à Laval, c'est un tough, c'est un gars qui a du caractère. Je m'imagine que son gars est semblable, mais je reviens. Tu sais, on a essayé d'avoir les cavaliers de ce monde, puis ça n'a jamais marché. Puis moi, je suis certain que Bergevin, il a pas d'affaire à le dire, puis il dira jamais ça non plus, là. Mais Bergevin, il a poussé fort pour l'avoir. Tu sais, écoute, ce qu'on a dit, là, Kéké, Byron, puis Goulet, c'est pas une mauvaise offre. Alors, retourne-toi dans la ligue, fais offre ces trois gars-là, tu vas avoir quelque chose. Alors, moi, Dubois, comme j'ai dit, c'est un Montréalais, c'est un gros bonhomme. Il y a un style de joueur que d'un playoff. Moi, je te disais, je verrais, tu sais, j'aurais vu Anderson, Toffoli, puis Dubois, un trio de gars de 113 livres, ça, là. Tu patines. Tu sais, mais encore là, tu peux pas tous les avoir. Le problème qui va arriver, c'est que là. Mais ça, c'est pas Bergevin qui dit ça, là. Les journalistes disent, mais là, fais pas de transaction quand ça va bien. Il y a 6 games, ça va bien. C'est quand elles sont en fait des transactions. C'est là qu'il faut que tu en fasses, parce que quand ça va pas bien, c'est là que t'es. Moi, je veux te parler de John Tortorella. Okay? John Tortorella. T'as déjà été entraîneur. Est-ce que en 2021, puis je parlais avec Yannick Jean tantôt, OK? J'ai fait une entrevue avec Yannick Jean qui a 500 victoires dans la Ligue Junior du Québec. J'ai fait une entrevue avec, puis il me parlait. J'ai posé la question, est-ce que le jeune d'aujourd'hui et le jeune du temps, est-ce que c'est. Quand t'as commencé, puis maintenant, est-ce que ça a changé? Puis. Il dit au début, quand je jouais, Yannick a joué en 94, il dit dans mon temps, il dit qu'est-ce que je peux faire, coach? Puis aujourd'hui, c'est. T'es-tu sûr que t'as une bonne stratégie, coach? Pourquoi tu fais ça? Puis ainsi de suite. Donc, est-ce qu'en 2021, John Tortorella, sa méthode fonctionne encore dans la Ligue nationale? C'est une méthode à la Scotty Bowman, c'est une méthode à la Mike Keenan, c'est. Ben, moi, personnellement, je vais parler comme ancien joueur au lieu d'ancien coach. Ouais. Comme ancien joueur, j'aurais eu de la misère à jouer pour Tortorella parce que moi, mon caractère de personne de tous les jours, j'aime pas me faire agresser puis me faire donner une tape en arrière de la tête. Là. Mm. Tu sais, j'aime mieux quelqu'un qui va me dire ça n'a pas bien été, mais on va travailler sur ça puis on va t'aider. Okay? Mais ce qu'il faut écouter de ce que Tortorella dit, moi, je l'aime pas, Tortorella. Moi, personnellement, là, demain matin, je suis propriétaire de Columbus, je vais voir le directeur gérant, je dis, tu le mets dehors. Parce que là, on perd tous nos joueurs. Là. Ils n'ont perdu des bons déjà. Les Panarines de ce monde n'ont pas resté à Columbus. C'est parce qu'il y avait... de Tortorella. Ben, en partie. Mais quand tu écoutes les commentaires de Tortorella, il n'y a pas tort. Tu sais, quand lui, il coach, il dit, moi, je fais jouer les gars qui vont me faire gagner. Tu sais, quand tu choisis tes 20 gars en entraînement, que ce soit dans le temps que moi j'ai joué puis que Mario Tremblay et Nomme Latout ont joué, ça n'a jamais changé. Le coach, il prend les 20 gars qui pensent qu'ils vont lui faire garder sa job. Il ne gardera pas des gars qui disent, ah, ben là, si je garde ce gars-là, pas sûr que je vais gagner avec lui, il ne gardera pas. Alors, lui expliquer dans le cas de Dubois, puis Dubois était honnête aussi, il dit, j'ai appris avec Tortorella, mais... T'sais, à manger des claques dans l'arrière de la tête, ça ne marche pas. En 2021, puis ça ne marchait pas en 2010 non plus. Là. Non. C'est que quand tu es. Scotty Bowman a changé. Le Scotty Bowman qui était avec Detroit, avec Pittsburgh, n'était pas le même Scotty Bowman qu'avec le Canadien. Non. Ben avec le Canadien, il ne faut pas oublier qu'il y avait des clubs pactés. Ouais, quand mais. Il est arrivé, le seul moment, c'est quand il y a eu il y a eu un bon gardien, je cherche son nom, là, à Pittsburgh. Barrasso, quand il est allé à Buffalo, il n'a pas été merveilleux. Mais en même temps, ce que j'allais dire tantôt, c'est que moi, du temps que j'ai joué, puis même Yannick Jean, quand il a joué, d'après moi, là, c'est que le coach, lui, disait, c'est de même, ça marche. OK? Puis si tu fais ça, tu ne joueras pas. Alors qu'aujourd'hui, il faut t'expliquer aux gars pourquoi tu veux qu'on fasse ça. Ça, c'est la différence majeure. C'est que les jeunes... T'sais, moi, quand je jouais, là, je me rappelle quand j'ai joué junior avec les Marquis de Claude Basque, je n'ai pas vu de Gotov de même comme coach. C'est que lui, c'était à sa manière ou sinon tu joues pas. Alors qu'aujourd'hui, tu peux pas dire ça à un gars. Sors la porte par les estrades. Mais quoi, le gars va dire comment? Sors la porte par les estrades. Ouais. Ben oui, on va gagner, tu vas voir. Alors, faut que tu donnes des raisons pourquoi tu fais telle affaire. Puis Tortorella, il y donne les raisons. Il a benché Domi l'autre soir. Ouais. Puis quand on voit les deux, les chiffres que... La dernière présence de Dubois là, sur la glace, là... Il s'est pas aidé, là. Ben là, voyons, t'es coach, là, t'as même pas besoin d'être coach pour... Moi, je regardais aller, je me disais, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est en train de dire au coach, je veux plus jouer ça, moi. Tu sais, fait que... Mais, si t'es propriétaire de l'équipe, là, tu dis, c'est pas beau, là. Puis Tortorella, qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'ils ont fait l'année passée, puis depuis qu'il est là... C'est une équipe ordinaire, Columbus. Oui, ils ont une bonne défensive, mais c'est une équipe l'année ordinaire. L'année passée, avant le COVID, il y avait quand même une bonne équipe. Il était très bon. Il était en avant du Canadien puis de bien des équipes. Là. Alors, tu sais, moi, Tortorella, honnêtement, la misère avec ça un peu, parce qu'on est en 2021. Ben, en 1980, on pouvait comprendre, mais là, maintenant, aujourd'hui... Là, Non. Là, tout le monde à la TV, là. Ouais. Tu sais, il y a... Tu t'insultes quelqu'un comme le jeune, il y a parlé dans le tuyau de l'oreille, pas à peu près. Mais tu sais, moi, je sais des histoires que Keenan a faites, là, que c'est pas tout le monde qui le sait. C'était pas beau, là. Tu sais, exemple, quand ils sont venus jouer, la première game que Chelio s'est venu jouer contre le Canadien avec Chicago, il l'a pas habillé, là. Tu sais, faut le faire, c'est là, Mike Modano aussi que. Ah ouais, ils ont tous passé dans le là. Qui était à un point ou deux, je pense. Il y avait un honneur, puis il ne l'avait pas habillé. Je ne me rappelle plus tout à fait l'histoire. Mais Tortorella, il dit lui-même, lui, il ne fait pas ça pour être aimé ou détesté. Il dit, on m'engage pour gagner des games. Il coach à la fin. Il veut que les gars jouent pour gagner. Si tu te présentes, tu travailles fort. Parce qu'on a... J'ai regardé hier, avant-hier, j'ai vu jouer Columbus... Parce que je switch à gauche pas à droite, là. Puis Columbus, c'est toujours le même style. Il pousse. Puis ils gagnent pas. C'est pas des games de 7-0 qu'ils gagnent. C'est des games serrés. Ils sont habitués de jouer des games serrés. Puis moi, je pense que Domi il était une tendance à pas être discipliné. Moi, je ne sais pas longtemps qu'il y avait Tortorella, là. Oh. Mais elle m'a fait avec Patrick Laine, là. Tu peux me dire, tu peux mettre la. Oui, mais. Patrick Laine. Ouais, c'est pas le style de joueur également qui va plaire à Tortorella, là. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Non, mais il y a une affaire, par contre, Patrick Laine. Ouais. Il y a un avantage qu'il n'y a pas un gars dans la chambre de Columbus. C'est sniper. Le directeur gérant, c'est un Finlandais. Ouais, OK. Puis c'est pour ça qu'il était capable de faire la transaction. Il a sûrement parlé à Laine. Il va sûrement y parler pour lui dire, regarde, c'est le même que ça va marcher ici. Puis c'est pas parce qu'on vient de la même place, puis blablabla. Mais Tortorella le sait, lui aussi. Mais Tortorella va répondre la même chose. Mm. S'il se traîne les pieds, les nez, il va dire, regarde, tu veux-tu le faire jouer pareil? On ne connaît pas avec lui, là. Ouais, ouais. Joe, gros merci. On se reparle dans 2-3 semaines. Là, quand ça viendra le temps. Là, moi, là, Danny, il faudrait que tu me prouves que tu as ta chaise, toi. D'accord. Pour quelle raison? Ben, ta chaise de la Coupe Stanley. Ah oui, c'est vrai. Apparente. Oui. Il faudrait que tu me le prouves parce que j'ai pas l'impression que tu l'as acheté encore. Moi, non, c'est drôle, non. Hein? Moi, je suis pas négatif. Je suis pas positif. J'attends. C'est un club que, oui, ils sont meilleurs que l'année passée. Il faudrait être aveugle. Il faudrait être de mauvaise foi pour dire ça. Il faudrait vraiment être de mauvaise foi. Par contre, c'est très dur à évaluer là, en raison qu'on joue pas contre tous les clubs, comme je t'ai dit. Mais ce que je vais dire en terminant, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Première des choses, on va attendre qu'il ait fait le tour de la Ligue une deuxième fois. Puis en passant, je vais parenthèse. C'est cette équipe. Non, mais c'est pas rien. Ils n'ont pas joué Winnipeg. Ouais. Ils n'ont pas joué Calgary, on va dire. L'autre affaire que j'ai oublié de te dire tantôt, c'est qu'oublie pas, puis Bergevin, il a pensé à ça. Ils vont jouer Winnipeg 9 fois. Mm. Avec Dubois, contre Dubois. Ouais. Tu sais, t'aurais aimé mieux de l'avoir sur ton bord, là. Ouais. Mais tout ça pour dire que quand ils auront joué toutes les équipes de la division canadienne, une couple de fois, parce que Danny, soyons honnêtes, là. Tu sais, dans un mois et demi, là, oublie pas qu'on va avoir vu jouer les mêmes équipes à peu près 3-4 fois chaque. Non, là. Ouais. Ça va être plate au bout, là. Tu sais, moi, j'étais pas pour m'abonner à NHL Saint-Thérèse cette année. Puis quand j'ai vu comment ça avec les devants dans les estrades, j'ai dit, il faut que je regarde d'autres games, là. Mais on était dans la division Adams, je parlais à l'époque, mais par contre, on voyait les autres clubs aussi, là. Ben oui. La division Adams, c'était 8 équipes, mais on voyait les Kings de Los Angeles, on voyait les Sharks nausées quand même, on voyait les Rangers de New York, on voyait... Exactement. Puis t'étais capable d'évaluer ton équipe. Ouais. Là, puis l'autre chose, c'est quand est-ce que ça va bouger, là, tu sais, les équipes vont bouger. Là, tu pars avec un gros début de saison. Tu sais, tu veux pas faire de transaction parce que ça va bien, l'esprit d'équipe. Là, t'es à quarantaine aussi, là. Ouais, là, puis là, les autres équipes, en attendant, c'est pas juste le Canadien. Le Canadien va peut-être s'améliorer aussi d'une autre façon. Les équipes vont toutes s'améliorer. Pas de camp d'entraînement comme ils ont eu, là. Pas de game d'exhibition. Il y a des équipes, ça va lui prendre peut-être 8, 9 games, 10 games. C'est pour ça que j'ai dit que les 20 premières games sont super importantes, là. Ouais. Joe, gros, merci, on s'en reparle. C'est moi qui te remercie, Danny, puis on se redonne des nouvelles, j'attends ton appel. Joe, toujours un plaisir.